trouve qu'au Québec, on est souvent dans les droits et la facilité. Je pourrais donner une autre comparaison, mais là, déjà là que je sens que les courriels vont me faire ramasser un peu, je l'assume. Mais je trouve que c'est la même chose sur l'avortement. Ah, on a le droit à l'avortement, c'est tout, j'ai le droit d'avorter. Oh, oui, t'as le droit d'avorter. Mais on peut-tu favoriser la naissance? On peut-tu donner des chances à la fille qui est mal équipée, que ça va pas bien, mais elle veut l'avoir pareil? Qu'est-ce que la société y offre comme alternative? Même affaire pour les couples. Ah, le couple va pas bien? Divorce. Ah, tu veux pas ton enfant? Avortement. On peut-tu favoriser l'enfant, la famille, ces valeurs-là? Tout en respectant, on va le répéter pour m'éviter 50 courriels, en respectant le choix libre de chacun. C'est vos affaires, mais comme société... La fille, elle a 18 ans, est enceinte. Bon, le gars est parti, c'est sauvé, ça arrive, là. Oui. Ça arrive. Bon. Oui. Va-t'en dans la rue qu'un cas de même, là, c'est avortement, tout le monde, avortement. Peux-tu lui donner un break? Y a-tu des moyens? Y a-tu des maisons? Y a-tu des, hein? Le vrai choix, les gens se disent pro-choix. Vous êtes pas pro-choix, vous êtes pro-avortement. Si vous étiez pro-choix, il y aurait avortement ou naissance. C'est quand elle vous parlez de la naissance, jamais. Même affaire, dans les divorces, oui, évidemment, vous avez le droit de vous séparer, puis c'est bien correct, puis là, le tribunal s'en mêle, puis le gars se fait ruiner, puis bon, ça, c'est les droits, mais on peut-tu donner une chance? Est-ce qu'il y a des organismes, est-ce qu'il y a des, dans le discours, dans les médias, dans les élites, est-ce que des gens défendent la famille? Ah non, bon, c'est religieux, ton affaire, ben c'est ça. La famille, ça, c'était les catholiques, ça. Ah ouais? La famille, c'est catholique, ça. Rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le catholicisme ou une autre religion. La famille, ça peut être une valeur. C'est une valeur. Oui, dont on parle jamais. Voilà, on le fait, 7h50. Moi, puis Andréane, hier, on s'est mariés pour